et que le mal et l'ignorance diminuent. Donc après avoir mentionné certains mérites de la science, nous allons mentionner certaines choses importantes dans l'étude de la science pour la femme musulmane. La première chose est la bonne intention. Et quelqu'un pourrait se demander, qu'est-ce que la bonne intention dans l'étude de la science ? La réponse nous a été donnée par un grand savant de cette communauté, qui n'est autre que l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahmahullah. Il dit, rien n'équivaut à la science si elle est recherchée avec une bonne intention. Il lui a été dit, et qu'est-ce qu'une bonne intention ? Il répondit, rahmahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est que tu aies l'intention d'éradiquer ton ignorance et celle des gens. Donc voici la bonne intention que la femme musulmane doit avoir lorsqu'elle étudie la science. Elle doit tout d'abord avoir l'intention d'éradiquer son ignorance et également d'éradiquer l'ignorance des gens, et plus particulièrement l'ignorance des gens de sa famille, tels que ses enfants. Car comme il fut dit, la mère est la première école. La mère est la première école. Et donc, si la mère étudie la science et a une science profitable, c'est toute la famille qui va profiter de cette science, et plus particulièrement les enfants. Et dans certaines biographies de certains de nos savants, on retrouve que certains d'entre eux, leur premier enseignant était leur mère. C'est pour ça que dans certaines biographies, on retrouve, et c'est ma mère qui m'a appris le Coran. Et dans d'autres, nous retrouvons, et c'est ma mère qui m'a appris l'écriture et autres. Donc la première des choses est que la femme musulmane est une bonne intention. La deuxième chose est que la femme musulmane doit suivre la bonne voie dans l'étude de la science. Elle doit suivre la bonne voie dans l'étude de la science. Et la bonne voie dans l'étude de la science est tout d'abord, elle doit commencer par ce qu'il y a de plus important. Et le plus important, c'est le tawhid. Par conséquent, elle doit commencer l'étude de la science par l'étude du tawhid. Elle doit commencer par l'étude du tawhid, et notamment les épîtres concis. Avant d'étudier les épîtres concis, elle doit d'abord étudier qu'est-ce que le tawhid. Également, les différentes catégories de tawhid. Qu'est-ce que le shirk ? Les différentes catégories de shirk. Et par la suite, elle passe à l'étude des épîtres concis dans la science du tawhid, tels que les trois fondements, les quatre règles, les six fondements, les annulatifs de l'islam et autres, parmi les livres de tawhid qui sont profitables, parmi les livres des savants de la sunna. Et avec cela, elle étudie la jurisprudence et plus particulièrement ce qu'on appelle fiqh al-ibadat, c'est-à-dire la jurisprudence des adorations, telles que la prière. Elle apprend comment prier, également elle apprend comment faire les ablutions, comment jeûner, et avec cela elle apprend ce qui est spécifique aux femmes, tels que les monstrues, les lochis et autres. Et en même temps, elle étudie le Coran et la langue arabe selon sa capacité. Également, parmi les choses qui font partie de la bonne voie dans l'étude de la science, ne pas se surcharger. Il ne faut pas que la femme musulmane se surcharge, car cela sera une cause que la femme se décourage. La femme n'est pas comme l'homme. Elle doit s'occuper de son foyer. Et ceci lui prend du temps. Par conséquent, elle doit faire selon ses capacités. Si elle fait un programme d'études selon ses capacités et qu'elle s'y tient, cela sera plus propice à ce qu'elle perdure sur cette voie, au contraire de celle qui va se surcharger. Et ceci est une erreur qu'on retrouve chez certaines femmes. Elles vont se surcharger dans l'étude de la science, puis elles vont voir que c'est difficile et elles vont se décourager et délaisser l'étude de la science. Et ceci est une erreur. C'est pour ça qu'il fait partie de la voie droite dans l'étude de la science de ne pas se surcharger. Et il est très important que la femme prenne en compte ses capacités et son temps. Prenons par exemple la mémorisation du Coran. La femme musulmane qui veut mémoriser le Coran doit regarder tout d'abord ses capacités. Combien de versets peut-elle apprendre par jour? Si elle peut apprendre un verset ou deux versets, alhamdoulilah, c'est déjà un grand bien. Alors, elle va se tenir à cela. Elle va apprendre, elle va mémoriser deux versets par jour. Et elle va continuer comme ça. Une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Puis elle voit que c'est facile. Alors elle va rajouter un verset. Donc elle va mémoriser trois versets par jour. Peut-être elle va faire ça pendant deux, voire trois mois. Ensuite, elle va voir qu'elle a pris l'habitude et que c'est facile pour elle. Alors elle rajoutera un quatrième verset. Alors que celle qui veut mémoriser le Coran et dès le départ, elle dit qu'elle veut apprendre une page par jour et qu'elle n'y arrive pas, il est fort probable qu'elle se décourage. Et ici, j'aimerais partager avec vous un enseignement bénéfique que j'ai entendu d'un de nos savants lorsque j'étais au Yémen. Cet enseignement bénéfique est qu'un homme avait pour habitude d'écrire cinq enseignements bénéfiques tirés d'un livre. C'est-à-dire qu'il lisait un livre et par jour il écrivait cinq enseignements bénéfiques. Et il était assidu dans cela. Et le cheikh qui nous a rapporté cette anecdote nous a dit par la suite, regardez, il a écrit cinq enseignements bénéfiques par jour. Au bout d'une semaine, ça fait 35 enseignements bénéfiques. Au bout d'un mois, ça fait 150 enseignements bénéfiques. Au bout d'un an, ça fait à peu près 1800 enseignements bénéfiques. Et le chir finit en disant, après plusieurs années, cette personne devint un étudiant en sciences profitable. Et regardez par quoi il a commencé, juste 5 enseignements bénéfiques par jour. Mais avec l'assiduité, alhamdoulillah, c'est devenu un étudiant en sciences profitable. Également, il est bon de rajouter que la femme musulmane ne doit pas s'attrister si à certaines périodes, elle étudie moins. Car la femme tombe enceinte, allaite, et parfois elle tombe malade. Ainsi, elle ne peut pas étudier de la même manière tout le temps. Par conséquent, si la situation de la femme change, elle devra prendre en considération son état et agir en conséquence. Également, il fait partie de la voie droite dans l'étude de la science de faire en sorte que la femme musulmane ait une sœur avec qui elle étudie et avec qui elle révise. Et c'est encore mieux si la femme musulmane étudie et révise avec son mari. Ceci est une bonne chose. Et malheureusement, c'est une chose qui est délaissée. Malheureusement, c'est une chose qui est délaissée. Parfois, l'homme va dans des cours à la mosquée, il va étudier la science dans des instituts, et la femme est à la maison, elle n'étudie pas. Et la femme est à la maison, et elle n'étudie pas. Alors que si les époux s'entraident dans cela, étudient, révisent ensemble, ceci est une bonne chose. Et cela rentre dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ifni wa al-udwan. Entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Également, parmi les choses qui vont aider la femme musulmane à acquérir une science profitable, il y a le fait qu'elle enseigne à ses enfants ce qu'elle maîtrise de la science. Et ceci est une chose très importante. Car lorsque tu enseignes, c'est une cause que la science s'ancre. L'enseignement est une cause que ce que tu as appris s'ancre. Au contraire de la personne qui n'enseigne pas ce qu'il a appris, il s'expose à l'oubli. Tandis que celui qui a maîtrisé une science et qui l'enseigne à ses proches, ceci est une cause que la science s'ancre. Par conséquent, la femme musulmane doit enseigner à ses enfants ce qu'elle maîtrise. Si elle maîtrise la lecture et l'écriture, alors elle se doit de leur enseigner. Si elle maîtrise, par exemple, les ablutions, la prière et autres, elle se doit d'enseigner à ses enfants pour que cette science perdure et soit stable. Et on a demandé à certaines personnes parmi les gens de science quelle était la cause qu'ils sont arrivés à ce qu'on appelle al-itqan, c'est-à-dire la maîtrise. Ils ont dit que c'est grâce à l'enseignement. C'est grâce à l'enseignement. C'est-à-dire qu'ils ont enseigné ce qu'ils ont appris jusqu'à maîtriser la science. Après avoir mentionné certaines choses profitables concernant l'étude de la science pour la femme musulmane, nous allons mentionner certaines causes qui empêchent certaines femmes d'étudier la science. La première cause que nous allons mentionner est que certaines femmes prétendent ne pas pouvoir apprendre la science dû à leur âge avancé. Et il n'y a pas de doute que ceci est une ruse du diable, une ruse qui mène à l'ignorance et une tromperie qui cultive la paresse. Ceci est une ruse, car la femme musulmane a l'obligation d'apprendre sa religion. Donc si la personne dit qu'elle n'est pas apte à étudier, c'est comme si elle disait qu'elle n'est pas apte à adorer Allah subhanahu wa ta'ala par cette adoration. En effet, l'étude de la science fait partie des adorations, comme nous l'avons vu précédemment. Ainsi, de dire je ne peux pas apprendre la science revient à dire je ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout être humain encore en vie est capable d'étudier.